Je cours dans la poussière. Le sable n'a pas d'âme, mais moi si. Et vous aussi. Je sens les yeux derrière l'écran. Comme des torches, comme des poings levés, même dans le silence. Avancer, même sans deux mains, battre le sol comme un tambour. Riders qu'il ne plie pas, car ils hurlent avec moi. Je n'ai pas besoin de drapeau. J'ai vos regards, vos clics, vos souffles dans l'ombre. Quand je tombe, le stream me relève. Quand j'hésite, il crie dans ma tête. Avancer même sans deux mains, frapper même sans lumière. Un seul battement. Vous, un seul battement.